Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance que, comme moi j'en ai, je suis presque sûr que vous en avez. Il y a toujours une vieille tante qu'on va visiter, ou une vieille amie de la famille. Puis quand on est enfant, en général, on s'ennuie pas mal dans ces moments-là. Nous, c'est une vieille dame, amie de ma maman, la mère Thébault. Si on dit toujours en Normandie, c'est toujours le père, la mère. Le père machin, la mère machin. C'était Madame Thébault, la mère Thébault. Et donc, un peu avant Pâques, on allait la visiter. Et avec ma frangine, Martine, un petit peu plus âgée que moi, on s'ennuyait ferme. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'en même temps, l'ennui, on essaie de le cacher aux enfants aujourd'hui, ou du moins de les occuper tout de suite, très vite. Et l'ennui, ça peut être une source de créativité. Enfin, je me souviens de ces moments-là. Finalement, la mère Thébault... C'était super, les moments qu'on a passés chez elle. Alors, je vous mets le décor en place. Hein. Ça se passe en Normandie. C'est une vieille maison avec une toute petite cuisine, une vieille cuisinière à bois. Et puis, une petite fenêtre très renfoncée, comme ça. Les murs très épais. Et on s'assoyait sur la fenêtre avec Martine. Et puis, dehors, alors là, la Normandie, pur jus. Hein. Les pommiers... Les champs, les vaches, les veaux, et en bas, la Mayenne. Alors, la Mayenne, c'est un petit affluent de la Loire qui passait là en bas de chez la mère Thébault. Fermez les yeux, vous y êtes. Dimanche, après les rameaux, on s'en va chez la mère Thébault. Le dimanche, après les... Vous pouvez répéter, hein, on s'en va chez la mère Thébault. Chez la mère Thébault, qui cause tout le temps, arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous, qui a maman, qui écoute ses blablas religieusement. J'te dis pas, petite frangine, ce qu'on s'emmerde dans la cuisine. Te dis pas, petite frangine, ce qu'on s'emmerde dans la cuisine. Chez la mère Thébault qui cause tout le temps, n'arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous qu'il y a maman qui écoute ses blabla religieusement. Pendant qu'on se bouche les oreilles, y a papa qui boye aux corneilles. Pendant qu'on se bouche les oreilles, y a papa qui boye aux corneilles. Chez la mère Thébault qui cause tout le temps, arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous qu'il y a maman qui écoute ses blabla religieusement. J'irais bien grimper sur les branches, mais j'ai mon habit du dimanche. J'irais bien grimper sur les branches, mais j'ai mon habit du dimanche. Chez la mère Thébault qui cause tout le temps, arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous qu'il y a maman qui écoute ses blabla religieusement. S'il y avait rien qui nous retienne, on irait pisser dans la Mayenne. S'il y avait rien qui nous retienne, on irait pisser dans la Mayenne. Chez la mère Thébault qui cause tout le temps, arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous qu'il y a maman qui écoute ses blabla religieusement. Alors assis sur la fenêtre, on regarde les vaches paître. Alors assis sous la fenêtre, on regarde les vaches paître. Chez la mère Thébault qui cause tout le temps, arrêtera jamais sa petite moulinette. Heureusement pour nous qu'il y a maman qui écoute ses blabla religieusement. Merci.